عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. On continue بحول الله عز وجل avec les signes de la fin des temps. On est toujours avec les petits signes de la fin des temps qui nous rapprochent ici petit à petit bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala des grands signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, on avait cité lors des derniers cours ici qu'il y aura des gens, et c'est ce qui fait beaucoup mal au cœur, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois dans certains hadiths quand le prophète alayhi salam il dit ici des gens de ma communauté rendront permis telle et telle chose. Des gens de ma communauté, min ummati, d'accord, des gens de ma communauté rendront permis, par exemple, comme on l'a vu, les instruments de musique. Yastahilloun al-hira wal-harir, wal-khamra wal-ma'azif, comme on avait vu, on avait parlé de la soie, de la fornication, ici du vin et ici des instruments de musique. Comme là, ici, pendant ce signe, bi'idhnillah azawajal, ou plutôt pendant ce cours, on va voir que le prophète alayhi sallam rappelle encore ces mêmes propos. C'est-à-dire que des gens de la communauté du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim vont rendre autorisée une chose qui est interdite et qui a toujours été interdite en islam. Voilà qu'une des gens, dû à leur ignorance encore et dû à leur penchant excessif vers la vie d'ici-bas et les plaisirs mondains malheureusement, d'accord, ils vont rendre permise des choses qui ont été interdites clairement dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, wa hadha bi ijma' al-ulama wa bi ijma' as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Voilà qu'ils vont rendre permise des choses, et parmi ces choses ce qui fait partie des signes de la fin des temps. قال عليه الصلاة والسلام, le hadith est rapporté par Muslim et il dit min ashrat as-sa'a, plus loin wa dhakara minha wa yushrabu al-khamr, ici sera consommé le vin. Ça ne veut pas dire que à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et ici à l'époque des salaf, à l'époque des tabi'in, il n'y avait pas de personne qui buvait du vin. Voilà qui ça veut dire, irhamukallah, ici ça veut dire que ici le fait que les gens vont consommer du vin, ça va être une chose qui a été ou qui va être de plus en plus banalisée. Une chose et une pratique qui va être de plus en plus répandue, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parmi les signes de l'heure, plus loin, il a cité plusieurs signes, et il a dit, ici, wa yushrabul khamr, le vin sera consommé. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est jugé bon par Cheikh l'Albani et rapporté par Ibn Majah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la yastahillanna ta'ifatum min ummati al-khamr, bismin yusammunaha iyyah. Donc encore, on parle des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Un groupe parmi ma communauté, rendra licite le vin en lui donnant un nom autre que le sien. Le vin en lui donnant un nom autre que le sien. Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, il dit, il explique, il dit, ceci signifie, premièrement, que d'après l'explication des gens de science et d'Ibn al-Arabi, il dit, ces hadiths signifient, premièrement, que des gens vont croire qu'il est permis d'en boire. Donc il dit, ça veut dire soit ça, ou soit, on va voir deuxièmement. Premièrement, des gens vont penser que c'est permis d'en boire. Tout simplement, dû à quoi? Dû à leur ignorance, dû à leur mauvaise compréhension. Et c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Des gens qui, au nom de l'islam, quelquefois dans des plateaux télévisés, on les a vus, et je pense ici que tous et toutes savent de qui je parle, ici on dit, mais non, ce n'est pas interdit le vin. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit fashtanibuhu la'allakum tuflihun, écartez-vous-en. Ah, il ne l'a pas interdit clairement. Donc nous disons à cette personne, de quelle planète viens-tu? Si on se fiait à cette logique et ce raisonnement ici qui est fondé sur le vent, sur les passions, sur les plaisirs, nous dirions, et continue avec moi, donne-moi une preuve dans le Saint-Coran où Allah Azza wa Jalla il a permis de consommer, mais clairement avec ces termes, il a permis de consommer les oranges. Il a permis de consommer les pommes. Il a interdit de forniquer avec sa mère. Donne-moi un verset coranique clair. D'accord. Peut-être quelqu'un va dire, oui, mais Allah Azzawajal, il a interdit la fornication. Non, mais la fornication, mais moi je veux un texte qui me dit que Allah interdit de forniquer avec ma mère. Et la... des réponses bêtes et des questions bêtes. Ici, ça ne veut pas dire parce qu'Allah Azzawajal, ici, n'a pas toujours cité une chose de façon claire et explicite. D'accord? Ici, que la chose n'est pas explicite en elle-même. Parce que si tu as une mauvaise compréhension de la religion, pour toi, ça ne sera pas clair et explicite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle, ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam, à travers usloub al-Qur'an al-Karim, à travers le style du Coran, qu'on ne doit pas se référer à un seul verset coranique. Et qu'un verset coranique est expliqué par d'autres versets coraniques. Et qu'un verset coranique peut être expliqué par d'autres textes prophétiques du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. On doit ici comprendre les choses en islam comme il se doit à travers le Coran en entier. C'est pas une partie du Coran. Et la sunna authentique tout entière. Sinon tu auras une mauvaise compréhension et tu vas croire que des choses sont permises à ça alors qu'elles sont illicites. Et des choses, tu vas penser qu'elles sont illicites alors qu'elles sont permises. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Arabi dit, ces textes veulent dire que soit, premièrement, des gens vont penser que c'est halal. Donc on dit Dieu à quoi? Alors mauvaise compréhension de la religion. Alors manque de science. Alors penchant excessif vers les choses mondaines, les passions de la vie d'ici-bas et les plaisirs de la vie d'ici-bas. Et il dit, deuxièmement, ou bien, il dit, c'est le fait de s'y adonner comme l'on s'adonne à quelque chose de licite. D'accord? C'est-à-dire, ça va être quelque chose de banalisé. Même si les personnes vont penser que c'est illicite, ils vont le reconnaître, walakin, tellement qu'ils vont s'y adonner, ça va être banalisé. Le péché banalisé. Ça sera tellement répandu que boire de l'alcool, boire du vin, ça ne va pas choquer les gens. Donc ça va être comme si c'était une boisson licite. Parce que ça va être tellement répandu. Et quand tu vas interroger des personnes, ils vont dire, oh, c'est pas trop grave, faut pas exagérer. Comme beaucoup de péchés, ici, qui sont banalisés à notre époque. Comme Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, et on avait cité le athar rapporté par al-Bukhari. Il dit, ici, vous faites des péchés. Et ça, c'était à l'époque de Anas. Qui pour vous sont aussi fins qu'un cheveu. Alors qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, nous les considérions comme al-mubiqat. Ou bien al-muhlikat. C'est-à-dire, ici, celles qui détruisent. Les grands péchés, les péchés les plus graves. Ça, c'est à l'époque de Anas. فَمَا ظَنُّكَ بِحَالٍ أَوْ فِي بِعَصْرِنَ هَذَا. Ici, que dis-tu ici? Et que penses-tu de notre époque ici? Avec l'époque dans laquelle on vit, on voit de plus en plus de gens qui réagissent comme ça. Ils font des péchés pour eux, ce n'est rien. وَلَكِنْ auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَرَبِّ الْكَعْبَ, c'est énorme. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit concernant le vin, qui a été rendu licite par certains des musulmans? Malheureusement, je parle des musulmans, par certains musulmans. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant cette boisson alcoolique? Est-ce qu'elle est interdite clairement? Ou est-ce que ici le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'Allah azza wa jalla avant tout, nous ont simplement conseillé d'éviter d'en boire trop? Awalan, il faut savoir que Allah azza wa jalla l'a interdit mais par étapes. Et que dans le Coran al-Karim, il y a l'abrogé et l'abrogeant. Il y a des versets coraniques ici qui ont été abrogés par d'autres versets coraniques. D'accord? Comme par exemple les versets coraniques concernant al-khamr, la consommation du vin. Comme les Arabes, al-Arab, c'était des grands consommateurs de vin, ils étaient dans l'excès dans la consommation du vin, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit la consommation du vin, mais par étape par étape, pour pas que ça ne soit trop difficile, ou pour que ça ne soit pas trop difficile pour eux d'accepter cette interdiction, pour que ça vienne étape par étape, doucement, et qu'ils l'acceptent de eux-mêmes. Et que ça soit une acceptation ici fondée sur des convictions solides. Allah Azza wa Jal, avant tout, il leur a interdit de faire quoi? Il leur a pas interdit clairement, mais il leur a rappelé que l'alcool, le vin, il y a un bien dedans. Voilà qu'il y a un mal aussi. Mais le mal est plus important que le bien. Donc regardez, d'abord il leur donne l'explication. Il leur explique ici les choses dans les détails. Il leur fait comprendre que na'am, il y a un bien. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui disent « Oui, mais nous comprenons pas pourquoi le vin serait interdit alors que c'est prouvé qu'il y a un bien dans le vin. » Dans Allah l'a dit il y a 14 siècles. On n'a pas besoin de tes explications au jour d'aujourd'hui. Allah, il a dit « Il y a un bien dedans. » Mais il y a un mal. Mais le bien est moins important que le mal. Le mal est plus important que le bien. Et ça, c'est un uslub ayyuhal ahibba, c'est un style, c'est une méthodologie, c'est une façon qu'on doit adopter quand on prêche les gens vers la vérité. « Na'am, tu es dans ce péché. » Certes, ce péché, il peut t'attirer. D'accord? Pour se mettre au niveau de la personne. Parce que si tu passes à la dernière étape, toujours, ça c'est haram, ça c'est pas bien, ça c'est... Donc ici, tu vas pressionner quelque part la personne. Mais quand la personne est très loin, en lui disant, je te comprends quelque part. Ces choses de la vie d'ici-bas, les femmes, l'argent, les choses, ça attire. On est des êtres humains. Allah l'a dit dans le Coran, wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'être humain a été créé faible. Donc, khlas, tu te dis, ah, il m'a compris. D'accord? Plutôt lui, il se dit, il m'a compris. Donc déjà ici, tu as ouvert une grande porte, ya Abdallah. Tu as été la cause, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, que sa poitrine soit ouverte et soit prête à accepter les autres paroles que tu vas lui apporter. Parce que ça, et tu, il va se dire, lui, il me comprend. Mais quand tu parles avec une personne qui se dit directement, il se braque, il dit, lui, ça sert à rien, il ne comprend pas. Est-ce que billahi alaykoum, il va vouloir t'écouter? Il voudra pas parce que automatiquement, il dit, de toute façon, tu ne comprends pas. Mais quand la personne a compris que toi, tu l'as compris, c'est plus facile pour toi de lui faire passer le message. C'est pour ça, il faut lui rappeler, surtout quand des gens sont très investis dans la religion, et ils parlent avec des gens très éloignés de la religion, faut leur rappeler en leur disant, écoute, c'est pas parce que moi, tu me vois très investi, que ici, je ne suis pas à l'abri de glisser. Peut-être aussi bien, peut-être demain, moi, je vais glisser, et toi, tu vas te repentir. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Walakin, ces choses-là attirent, comme peut attirer n'importe quel être humain. Mais, n'oublie pas que le paradis ne se gagne pas en claquant des doigts. Et le paradis, il faut le mériter. Et ici, Allah a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tu dois faire des efforts. La preuve, Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qui vont fournir des efforts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, ils veulent le résultat sans fournir d'efforts. Ceux qui fournissent, on n'a rien sans rien. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ. Ceux qui ont fait des efforts dans notre sentier, dans notre voie pour l'islam, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ah, on va les guider. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla va les guider. Va les guider vers ses sentiers, vers la voie droite, vers la droiture, vers la vérité, vers le chemin de la vérité. Mais c'est pour qui, cette guidance? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ. Donc tu dois faire des efforts. Le prophète alayhi salatu wasalam, regarde comment il a réagi, regarde comment il était à sa mort, et avec cela, regarde les compagnons, regarde, ici tu te mets à son niveau, mais avant tout, montre-lui, je te comprends. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, regarde la méthodologie, regarde ici le style qu'il a utilisé pour ici les attirer étape par étape. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. Allah clairement il le dit pour pas que les gens disent oui mais non mais nous non c'est pas possible, il y a un bien et nous Allah azza wa jalla khlas, il coupe court à toutes les paroles qui peuvent venir ou les paroles ambiguës que ces personnes-là auraient pu sortir au prophète alayhi salatu wa salam, comme walakin nous on connaît et on sait qu'il y a un bien dans l'alcool. Et nous, ça a été prouvé qu'il y a... Allah, il dit dans le Coran al-Karim, il t'interroge sur le vin et les jeux d'hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les biens, pour les gens. Il y a deux choses mauvaises, deux grands péchés, des choses néfastes, il y a du mal. Walakin, il y a quelques avantages pour les gens. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit Allah Azza wa Jal, mais dans les deux, le péché, le mal est plus grand que l'utilité. Khlas. D'accord? Donc il leur explique... Cette chose-là que vous êtes en train de consommer, il leur dit pas c'est haram, ne buvez pas. Non, vous êtes en train de consommer une chose, mais n'oubliez pas, il y a un bien et un mal. Mais le mal est plus grand que le bien. Khlas, il les laisse. Regarde, ici, il les laisse avec ça dans leur cœur et dans leur cerveau. Khlas, bon, maintenant, à eux, ici, de faire des efforts de eux-mêmes. Comprendre qu'il y a un mal. Mais Allah leur a pas interdit clairement. Plus loin et plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala... a révélé un autre verset coranique. Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salah wa antum sukara. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. Allah Azza wa Jalla leur a dit, khlas. Il a donné l'explication, ensuite il dit, vous continuez à boire, وَلَكِنْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. N'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. En dehors de la prière, bois. وَلَكِنْ quand tu commences à faire la prière, ici, tu ne dois plus être dans cet état qui t'a sorti de ton état naturel. C'est-à-dire, tu dois toujours être conscient quand tu fais la prière. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné 5 prières par jour. Donc ici, Allah azza wa jal leur complique un peu la tâche ici. Le fait de pouvoir boire tout en alliant l'alcool avec al-ibadat, avec les actes d'adoration, avec salat. Khlas, buvez. Mais pendant les 5 prières, n'approchez pas la prière. Donc 5 fois par jour, il faut qu'il soit à jeun. Et vous savez ici que quelqu'un qui boit de l'alcool, il faut des minutes, quelquefois des heures avant que ici l'effet de l'alcool s'estompe. Donc ici, il faut qu'il s'organise vraiment maintenant. Khlas, on doit boire après le fajr, mais si on boit après le fajr, ici il faut être à jeun avant salat al-dhuhr. Pour salat al-dhuhr, il faut être... regardez un peu. Donc ici, khlas de eux-mêmes, ils doivent encore... Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, de par sa miséricorde, il les aide avec sagesse à s'éloigner de cet alcool-là. Au début, il leur explique, il y a un mal et un bien. Le mal est plus grand, faites ce que vous voulez. Après, il dit, khlas, vous voulez boire, vous n'avez pas compris. Walakin, par contre, quand c'est l'heure de la prière, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. À côté, ici, ils sont préparés quelque part déjà. Allah Azza wa Jalla, il voit que c'est le bon moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'insan. Il a descendu et révélé le verset coranique. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Azza wa Jalla, il a révélé le verset coranique qui interdit clairement et formellement al-khamr, la consommation du vin, et pas que la consommation du vin. Écoutez, il dit: oh vous les croyants, le vin. Ah, et tout de suite après le vin, il parle de quoi? Des choses qui font partie des choses les plus abominables dans la religion, wal'iyadhu billah, ce qui nous rappelle ash-shirku billahi subhanahu wa ta'ala, le plus grand des péchés. Tout ce qui concerne les superstitions, tout ce qui concerne ici l'association. Allah Azza wa Jal, il a interdit et il a mis dans le même verset coranique les choses qui concernent les superstitions, l'association, ash-shirku wal'iyadhu billah, al-khamr. Il a mis dans le même verset pour montrer la gravité de ce péché-là. Et pourquoi pas alors que ici Al-Khamr, ça a été appelé Ummul Khaba'if, la mère de toutes les turpitudes. Parce que ici, quelqu'un qui perd sa raison, est-ce qu'il peut forniquer facilement? Na'am. Est-ce qu'il peut voler facilement? Na'am. Est-ce qu'il peut tuer facilement? Na'am. En tout cas, plus facilement que s'il était conscient. Déjà qu'au jour d'aujourd'hui, les gens y volent, les gens y mentent, les gens y forniquent, les gens y tuent, les gens, ils font des choses quelquefois qu'on a du mal à imaginer, à penser. On entend des situations, Allahu musta'an. Un tel a tué sa propre mère. L'autre, il a décapité son père. L'autre, mais pourtant, ils étaient à jeun. Alors, que dire de la personne qui n'est même pas à jeun et qui est hors, qui n'a plus toute sa conscience? Imaginez-vous des dégâts. Alors qu'on voit des choses qui nous étonnent chaque jour, ne serait-ce qu'en allumant la télé, en regardant les informations. C'est vrai ou pas? Des cas, on dit, subhanallah. Jamais j'aurais pensé que ça existait. Pourtant, la plupart des fois, ou la plupart du temps, on voit que les gens sont à jeun. Alors imaginez-vous la personne qui n'est plus dans son état. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le vin, mais il a interdit aussi quoi? Écoutez bien, il dit, oh les croyants, le vin, le jeu d'hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, ne sont que des coutumes ici qu'ils utilisaient, des coutumes de superstition, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Ah, rijsum min 'amali ash-shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Donc il dit, c'est une abomination du diable. Donc, est-ce qu'une chose qui est une abomination du diable, et si qui cause ta perte, peut être halal, wal'iyadhu billah, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, il vous a, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit les mauvaises choses, les turpitudes, et vous a ordonné, et vous a, ici, rendu licite, les bonnes choses. Est-ce que ici, ça fait partie des mauvaises choses ou des bonnes choses? Même un non-musulman, il te dira, bien sûr, ça fait partie des mauvaises choses. Il dit, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Donc, par logique, et par qu'yas, clair, ça veut dire que si on s'en s'écarte pas, on ne réussira jamais. Et on court à notre père. Ensuite, il dit, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu d'hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. En plus de cela, en lisant ça, certaines personnes disent, mais non, ce n'est pas haram. Ici, il te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mauvais pour toi. Dans les précédents versets coraniques, on sait qu'il y a un bien. Il y a un bien, il y a un mal. Le mal est plus grand. Ensuite, il te dit ici, c'est interdit parce que c'est la cause de quoi? L'inimité, la colère, l'agressivité entre vous. Et en plus de cela, Shaitan, par cela, il veut te faire éloigner, te faire oublier dhikrullahi azza wa jal et salat. Al-Qur'an, la prière, al-akhirah, al-jannah, al-nar, al-azab, azab min Allah azza wa jal. Tout ça, le châtiment, la récompense, le paradis, à travers l'alcool. Parce que quand quelqu'un, il est ivre, est-ce qu'il va penser à, ici, oh, Allah, il m'a réservé au paradis, donc je dois le craindre. Allah, Azza wa Jalla, il m'a réservé cela en enfer si je le désobéis, donc je dois m'écarter. Non, tu pourras pas, t'as pas ta conscience. Donc ici, il t'écarte de quoi? De la prière. Parce qu'une personne qui boit de l'alcool, il va se dire, comment je vais faire la prière alors que je suis ivre? Donc ici, étape par étape, à travers, ici, l'alcool, shaitan t'éloigne du rappel d'Allah, Azza wa Jalla. Ensuite, il dit, allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Khlas. Que celui qui d'entre vous veut croire qu'il croit, que celui qui veut être égaré, ici qu'il provoque son égarement. Bien qu'on sait que c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Walakin Allah il guide. de par sa miséricorde et il égare de par sa justice. Si quelqu'un a été égaré, c'est qu'il a mérité d'être égaré et il a provoqué cet égarement. Et si quelqu'un a été guidé, c'est que c'est quelqu'un qui a mérité d'être guidé. Et il a fait des efforts. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts, ceux qui font un combat journalier, de jour comme de nuit, c'est pas qu'ils restent dormir comme des gens, ils disent je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé dans des drogues, je suis malhal. C'est quoi la solution? C'est quoi ici? Comment je peux m'en sortir? Nous leur disons, bien sûr, أولاً الدُعَاء, l'invocation. Faire des invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, de t'assister, etc. De faire les causes. Et c'est ce que les gens délaissent beaucoup. Ils disent, Wallah, je fais du'a de jour comme de nuit. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Tu crois quoi? Tu vas rester allongé, tu vas faire du'a. Ya Arab, je veux des millions. Et il y a un ange qui va venir et frapper chez toi et te donner des millions. Ya Arab, je me sens mal. Un ange va venir et va te donner un paquet cadeau avec ici une solution. Tu vas ouvrir et tu vas te sentir bien. Ya Arab, tu dois faire les causes, ya Abdallah. Pour chercher ton reste, pour chercher ta nourriture, pour chercher, pour n'importe quelle chose. Ou pour n'importe quel mal qui t'a touché, si tu veux t'en débarrasser par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'ordonne de faire les causes. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Tu dois faire des causes, combattre, faire un djihad contre toi. Djihad ou nafs. Tu as un mal, tu es touché par mal, fais un combat. Ne lâche pas l'affaire. Ne baisse pas les bras. Fais un combat. Ne désespère pas. En parallèle, bien sûr, الدُعَاء. التَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Voilà qu'il ne te dit pas, je place ma confiance en Allah, je fais du'a, j'arrête. Non. Les causes, c'est de faire des efforts. C'est de faire des efforts. Et plus le mal qui t'a touché est énorme, et plus le combat sera dur. C'est clair. Quelqu'un qui est tombé dans des drogues dures, et il veut s'en sortir, est-ce que vous croyez que pour lui, ça va être le même combat qu'une personne qui consomme de la cigarette, bien que ça soit une drogue, la cigarette, une personne qui fume de la cigarette? Ce n'est pas pareil. Bien sûr que les deux, c'est des drogues. Voilà qu'une celui qui est tombé dans un mal qui est plus grand, et les deux, c'est deux choses mauvaises, deux choses haram, deux choses interdites, deux choses qui peuvent provoquer ta perte fi dunya wa fil akhirah. Walakin, le mal qui t'a touché si tu as été touché par les drogues dures est plus immense et plus important que si tu as été touché par le mal qui est la cigarette. C'est pour ça que la deuxième personne qui a été touchée par les drogues dures ici devra fournir plus d'efforts. Et c'est comme ça pour toute chose, ayyuhal ahibba. Plus tu es touché par un grand mal et plus tu te dois de fournir des efforts. On n'a rien sans rien. Et plus tu fournis des efforts, et plus tu as du mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu fournis des efforts, plus tu as du mérite auprès d'Allah azza wa jal, et plus tu verras que les fruits seront sucrés quand tu vas récolter les fruits bi'idnillah azza wa jal. C'est comme l'exemple que je donne des centaines de fois. Quelqu'un qui fait une douche le soir en rentrant chez lui, mais il n'a pas fait de voyage, il ne s'est pas fatigué dans la journée, il n'a pas fourni d'efforts dans la journée, est-ce qu'il va la sentir pareil ici que la personne qui a fait 15 heures de route et qui arrive chez lui et qui fait une bonne douche? Billahi alaykoum. Est-ce qu'il va ressentir la même chose ici, la personne qui s'est pas fatiguée, la personne qui n'a pas voyagé, que la personne qui a voyagé et qui s'est fatiguée? Pas du tout. C'est un exemple concret simplement. Ici, au niveau de tous et toutes, pour que tout le monde comprenne, plus tu fournis des efforts, et plus le repos ici aura un goût sucré bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et moins tu fournis des efforts, et plus tu as de chances que les fruits soient amers. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a fourni des efforts comme personne n'a fourni. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam est au degré le plus haut du paradis, al-firdaus al-a'la. Donc ici, on n'a rien sans rien. Et il faut savoir que plus l'effort est dur, et plus le mérite est dur, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et pendant l'effort, ne jamais oublier ce que Allah a dit dans le Coran al-Karim, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Certes, auprès de la difficulté, il y a la facilité. Auprès de la difficulté, il y a la facilité. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne donne pas une âme, une charge au-dessus de sa capacité. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé, ce que Allah azza wa jal te fait vivre, sache que tu peux le supporter. Donc te dire, oui, mais je dois me suicider parce que je ne supporte plus, abadan. Allah l'a dit, et Allah ne dit que la vérité. Si tu es touché par un mal, tu peux le supporter. Mais c'est à toi de fournir des efforts. Et plus tu patientes, plus tu fournis des efforts, et plus tu t'en remets à Allah, et plus tu verras ici la situation ici s'ouvrir devant toi, bi'idnillah azza wa jal, et se faciliter. De plus en plus rapidement, plus toi tu vas fournir des efforts, plus tu vas t'armer de patience et plus tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal, il a montré clairement que al-khamr, c'est une chose interdite. c'est une œuvre du diable. C'est une cause de l'agressivité, de l'inimité entre nous. C'est une cause de notre éloignement de dhikrullahi azza wa jal, le rappel d'Allah, la prière, az-zakat, etc. Toutes les choses qui nous ont été commandées, interdites ou ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'écarter de toutes ces choses-là. Allah interdit, laisse-moi tranquille. Allah a ordonné, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Tu es tombé dans Ummul Khaba'ith, la mère de tous les vices, de toutes les turpitudes, wal'iyadu billah. Quelqu'un va nous dire, je suis pas convaincu. Continuons. Et là, je parle avec des gens qui croient en Allah et au prophète. Je parle à des gens qui croient en Allah et au prophète, alayhi salatu wassalam, avant tout. Amma la catégorie de gens qu'on retrouve malheureusement chez beaucoup de musulmans ou de familles musulmanes, qui quand tu leur parles, ça ne suffit pas de leur dire, Allah a dit, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ça, ici, je n'en parle pas. Parce que ça, je ne vais pas dire ici, on peut rien pour eux. Walakin, je ne m'adresse pas à ce type de personnes-là. Je parle à des gens qui, quand tu dis, le prophète a dit, disent, khlas, le prophète a dit, j'y crois. Amma les gens qui, quand tu leur dis, le prophète a dit, oui, mais écoute, nous, bref, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun bien en eux. Mais fawarab bil ka'ba, qu'il y a très peu de bien en eux. Parce que la personne qui ne comprend pas que tout ce que Allah et le prophète ont ordonné, c'est obligatoirement un bien pour nous. Et tout ce que Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam, ont interdit, c'est obligatoirement un mal pour nous. Ici, c'est des gens égarés, wal'iyadu billah. Donc là, je m'adresse à ceux que, quand tu leur apportes les preuves du Coran et de la Sunna, ils sont, ça y est, khlas, il est mertah, il est apaisé. Et bien sûr, je ne dis pas aux gens, comme j'ai dit précédemment, d'aller les voir, leur dire, ça c'est haram, ça c'est halal. Non. Il y a une méthodologie à emprunter. Allah nous l'a enseigné. Allah, il a mis 3 étapes. Quand il a interdit l'alcool à des gens qui étaient noyés dans l'alcool, les Arabes. Et il leur a expliqué d'abord. Donc toi, quand tu interdis une chose à une personne, avant de lui interdire clairement, explique-lui. Dis-lui, tu es dans ce mal. D'accord. Parlons concrètement. Il y a du bien dedans. Ça attire. D'accord. Tu as un plaisir. Mais ce plaisir, il dure combien de temps? D'accord? Quelques secondes? Quelques minutes? Quelques heures? Quelques fois? Après, en sortant de ce plaisir. Exemple, l'alcool. Donc d'abord, tu lui expliques. Comme Allah Azza wa Jalla l'a fait. Et ça, ayu al-ahibba, si on le cite, ça, c'est pour nous apprendre ce qu'on appelle dans l'islam, fiqh al-da'wa. Comment appeler les gens à l'islam de la meilleure des façons, ayu al-ahibba? C'est avec de la science et en comprenant bien ici les versets coraniques. Et usloub al-Qur'an al-Karim, le style du Coran. Ici, tu lui expliques, tu lui dis d'accord, tu bois. Ça y est, tu te prends pour Rambo, tu crois que tu es je ne sais qui, le plus riche, le plus fort, d'accord. Ça dure combien de temps? Ça dure quelques minutes, quelques heures, d'accord? Ça va pas durer quelques jours, ça va durer quelques heures. Après, comment tu te sens? Tu dis à un musulman, un non-musulman, il va te dire quoi? Je vomis, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, je regrette. C'est vrai ou pas? N'importe quel être humain sur la surface de la terre. Ça, il faut pas se voiler la face. N'importe quel être humain qui boit de l'alcool, il te dira ça. Je me sens mal après, et tu le vois dans un état où l'ayadu billah. Donc tu parles avec lui, tu lui dis que khlas. Donc la preuve que ici concrètement, ici c'est un plaisir éphémère. Et en plus de cela, tu crois que c'est un plaisir, mais ce plaisir, si c'était un réel plaisir qui t'apportait du bien, ici un réel plaisir ne peut t'apporter que du bien sur du bien. Pas du bien temporairement, qui ce bien va provoquer un mal énorme. Alors qu'à la base, toi tu as bu de l'alcool pour fuir un mal, des soucis, des tristesses. Mais non seulement tu n'as pas fui le mal, mais tu t'es fait encore plus mal. Parce que non seulement, quand tu vas reprendre tes esprits, tes soucis seront toujours là, ya Abdallah. Ici, ta grosse facture qui t'a poussé à boire de l'alcool, quand tu vas rentrer chez toi, tu crois qu'elle aura disparu, elle sera toujours sur ta table. Ici, ta femme qui t'a rendu fou, si c'est ta femme qui t'a rendu fou, quand tu vas rentrer chez toi, elle sera toujours chez toi. Ici, le mal, donc tu vas pas fuir tes soucis. Bien plus que cela, quand tu vas remettre les pieds sur terre, tu vas remettre les pieds sur terre et ça va te faire encore plus mal. Parce que c'était quoi? Un faux rêve. Tu croyais, t'as rêvé. Tu t'es dit c'est bon, j'ai oublié. Mais en fin de compte tu vas dire non, tu es toujours sur la surface de la terre. Et en plus de ça tu auras mal à la tête, tu vomiras, tu te sentiras mal, tu auras causé du tort à ta personne, à ta santé. Donc tu lui expliques, regarde c'est un mal. Avant de lui dire Allah il a dit haram, khalas, il a compris. Ensuite tu lui dis, écoute, si tu es vraiment comme ça, au moins fais la prière. Walakin je bois de l'alcool. Ya akhi al-habib, أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. La première des choses sur laquelle il va rendre des comptes, le croyant au jour de la résurrection, c'est pas la fornication, ou est-ce que c'est la prière? Pars avec un bagage. Mais je bois de l'alcool. خلاص, organise-toi. Au moins ne sois pas ivre. C'est Allah qui l'a dit ça ou pas? Naam, dis-lui c'est haram, il faut arrêter. Walakin, dis-lui si vraiment au moins commence la prière. Pourquoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Au moins la prière, organise-toi. Donc ici, il va être obligé. Donc tu l'aides. Tu lui donnes des solutions. Tu lui donnes une thérapie. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils apportent pas des solutions. Ils disent c'est halal, c'est haram, point. Allah ya'unk. Non, essaie de trouver une thérapie à la personne. Khalas, je t'ai expliqué, concrètement. Après, commence la prière. La prière va t'aider. Mais ici, ne sois pas Yves. Khalas, il va faire de lui, il va voir que ça. Et là, il commence le combat. Tu l'as mis sur la voie du combat. Il est obligé de s'organiser pour pas être ivre si c'est vraiment un alcoolique, etc. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Il a fait les causes. Tu crois qu'Allah va l'abandonner? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme a dit Afis Sahih dans un hadith Qudusi, Allah azza wa jalla a dit, ô fils d'Adam, si tu te lèves pour moi, je marcherai vers toi. Et si tu marches vers moi, je courrai vers toi. Hadith en sahih. Donc ici, khlas, il a fait les causes. Il a commencé ce combat. Allah azza wa jalla ne le laissera pas. Pourquoi? Parce qu'il est tombé sur quoi? Sur une personne qui a de la science, de l'expérience et de la sagesse. Il n'a pas parlé avec le jahl. Avec ça, c'est haram, tais-toi, on arrête là et on part. Non. Il a utilisé une certaine méthodologie, parce qu'ici, il y a besoin d'utiliser cette méthodologie, et Allah Azza wa Jalla l'a utilisé ici, cette façon de faire. Et donc ensuite, à ce moment-là, tu lui dis, maintenant, il faut que tu comprennes ça. Et dès qu'il s'est mis dans la voie, khalas, arrête. Et pousse-le à arrêter maintenant. Ça y est. Maintenant, pousse-le à arrêter. Amma, si tu vas voir un alcoolique, salam alaykoum mon frère, alaykoum salam, c'est haram ce que tu fais. Et regarde ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, tu lui cites les hadiths que je vais vous citer. Qui, quand il va les entendre, miskin fait, il va se suicider. Il va dire, khalas, je suis alcoolique, il m'attend, c'est ça qui m'attend. Benaks, ça sert à rien, je suis perdu. Mais si tu viens avec une personne, dis, barakallahu fek, regarde, il y a un malin bien, regarde, tu vas boire tout à l'heure et tu vas lui expliquer ça. Fais un effort, la prière, deuxième étape. Troisième étape, wallahi al-adim bi idnillahi subhanahu wa ta'ala, il va l'accepter d'une meilleure façon que si tu étais venu de façon claire en lui disant, c'est haram, arrête, stop. Mais quelquefois, il y a des choses et des actes d'adoration où tu dois être direct. Il n'y a pas besoin d'utiliser 100 000 étapes. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans des choses comme ça, par exemple un alcoolique ou une personne qui est noyée dans l'alcool et qui fait même pas la prière, il a le plus important et l'important. Tout est important. Le plus important, c'est qu'il parte avec ce bagage qui fait de lui un musulman. As-salah, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Donc, s'il prie et il boit, est-ce qu'il est meilleur qu'une personne qui ne boit pas et qui ne prie pas? Oui ou non? Bien sûr qu'il est meilleur. Bien sûr qu'il est meilleur. Parce que les gens, ils ont une mauvaise compréhension de la religion quelquefois. Ils disent, oui, mais non, mais quand même, attendez, l'autre, il est juste, il est honnête, il boit pas de l'alcool, il est ceci, il est cela. Ici, une personne qui, à titre d'exemple, il fornique avec sa mère. D'accord? C'est plus grave que de voir une autre personne qui égorge une poule pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Oui ou non? C'est quoi qui choque le plus? Alors concrètement, c'est quoi qui choque le plus? Forniquer avec sa mère. D'accord. Cheikh Abdel Wahab, c'est ce qu'il a dit à ses étudiants. Parce qu'il dit, oui, on veut du fiqh, etc. Il a dit, je vous pose une question. Khlas, quand ils ont mal répondu, il a dit, on recommence tout à zéro l'aqida. Il a dit, d'accord, donc une personne qui fornique avec sa mère, c'est choquant. Ça choque, c'est clair. Une personne qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal, même quelqu'un qui va dire c'est du shirk, shirk billahi Azza wa Jal, shirkun akbar, s'il a eu qamat al-hujja, etc. Voilà, qu'est-ce qui choque le plus, forniquer avec ça. Mais c'est quoi le plus grave? Celui qui, man dhabaha li ghayri Allah Azza wa Jal, faqad kafar, comme a dit Ali salatu wa salam. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, il est sorti de l'islam. Celui qui fornique avec sa mère, c'est choquant, ça choque. Est-ce qu'il sort de l'islam? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Il reste musulman. Il n'y a pas de preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, qui dit qu'il sort de l'islam. Walakin c'est min al-kaba'ir, min al-fawahish, c'est une chose grave, c'est une turpitude, c'est partie des grands péchés, c'est un acte abominable, c'est tout ce que tu veux. Mais il reste musulman. Tandis que la personne qui a égorgé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une personne qui sort de l'islam. Donc quelquefois il y a des choses qui nous paraissent choquer plus, mais ils sont moins graves que d'autres choses. Une personne qui boit de l'alcool et qui prie, il est meilleur qu'une personne qui ne boit pas de l'alcool mais qui ne prie pas. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. Donc ici il faut d'abord le faire rentrer dans l'islam. D'abord qu'il embrasse l'islam comme il se doit de façon complète. Je rentre pas dans les divergences, est-ce que c'est un coffre, un grand coffre ou un petit coffre, un coffre qui fait sortir de l'islam ou pas. على كل حال بإجماع, à l'unanimité c'est un coffre, c'est une mécréance. Certains ont dit c'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, d'autres ça sort de l'islam mais ça reste appelé une mécréance quand même. Que ça soit une petite ou une grande, c'est une mécréance. Donc ça, ayyuhal ahibba, c'est encore plus grave, wal'iyadu billah, que le fait de voir une personne qui ne boit pas mais qui ne prie pas. Le fait de voir une personne qui ne boit pas et qui ne prie pas, c'est une personne, wal'iyadu billah, qui n'a pas complété son islam comme il se doit. Donc on le fait attirer, on l'attire vers l'islam complet d'abord. C'est-à-dire, au moins qu'il complète son statut de musulman. Je suis musulman, je fais la prière, je suis appelé musulman. Pervers, pécheur, ce que tu veux après. Mais ba'da, c'est un musulman. C'est un fasiq, c'est un pervers, mais c'est un musulman. D'accord ? Donc étape par étape. Et ensuite, khlas, pour le convaincre à arrêter clairement, quand ça, il a commencé à faire l'effort, ça y est, il a fait le premier pas. Il est rentré dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, il a commencé son combat, parce que celui-là, ça vaut le coup. Parce que celui-là, il a commencé le combat. Il veut, il prouve. Envoie-lui. Envoie-lui les hadiths, envoie-lui les versets coraniques qui parlent de l'khamr, comme il se doit. Et ça, c'est une réponse à tous ceux qui sont encadrés par le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il a dit, des gens ici ou un groupe de ma communauté vont rendre quelque part licite l'alcool. Ils vont lui donner un autre nom. Bref, ils vont rendre licite l'alcool. D'une manière ou d'une autre. Non, ce n'est pas du vin, c'est telle boisson. En donnant un autre nom pour rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Encore, des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, nous leur disons, ça a été interdit clairement dans le Coran et dans la Sunna. Dans la Sunna, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle awwalan. Et ça c'est large, c'est âme, c'est général. Que tout ce qui te sort de ton état est considéré comme une boisson qui te enivrante. C'est enivrante, hein? Je me trompe toujours. Enivrante, enivrante, enivrante, enivrante. Et ici, comme du vin. Et le vin, et tout ce qui est enivrant est haram. Rapporté par l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haram. » Il dit alayhi salatu wassalam « Tout est enivrant et de l'alcool. » Et tout enivrant est illicite. D'accord ? Tout ce qui te sort de ton état est illicite, rapporté par Moussa. Réponse à ceux qui disent, oui mais non mais la chiche c'est pas grave, il n'y a pas de verset coranique. Oui mais ça c'est pas grave, oui mais ceci est pas grave. Comme maintenant, j'ai vu il y a quelques jours une étude qui a été faite et aux États-Unis qu'ils ont encore prouvé comme quoi il y avait un bien dans la chiche pour les gens. Ils ont encore fait une étude et ils l'ont crié haut et fort, il y a un grand bien dans la drogue, cette drogue qu'ils appellent la drogue douce. Non, la drogue douce et drogue dure et drogue, mashallah. Drogue, c'est drogue. Ici, ils disent, oui, il y a un bien. Mais même s'il y a un bien, est-ce que ça veut dire que tout est bien? Et est-ce que ça veut dire que le bien est plus grand que le mal? Non, c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran. Et regarde, il y a 14 siècles, Allah, il a révélé le verset coranique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que tout enivrant est considéré comme de l'alcool. Et ici, tout enivrant est haram. Et donc il met une relation entre l'alcool et toutes ces drogues. Et quand Allah il a parlé de l'alcool, du vin, il a dit il y a un bien et un mal. Mais le mal est plus grand que le bien. Pareil, les drogues, il peut avoir un bien. Il y a un bien. Parce que même dans des hôpitaux, est-ce qu'on utilise des drogues? Oui ou non? On utilise la morphine, on utilise des calmants qui proviennent de drogues. Donc il y a un bien et il y a un mal. Mais le mal, est-ce qu'il est plus important que le bien? N'importe quel non-musulman sur la surface de la terre, n'importe quel médecin, n'importe quel savant, n'importe quel scientifique, il te dira bien sûr que le mal, il est plus grand que le bien. La preuve, comme je le dis souvent, il dépense des millions d'euros et de dollars dans des spots publicitaires de quelques secondes pour essayer d'arrêter ce mal. Pourquoi ils investissent autant d'argent pour quelques secondes? Ça, faut savoir que les non-musulmans, quand ils investissent autant d'argent, par exemple dans un spot publicitaire de quelques secondes, s'ils investissent 10 milliards, c'est qu'ils savent que minimum ça peut leur rapporter le double. Faut pas rêver. C'est qu'il y a un intérêt. Donc s'ils gaspillent des millions et des millions et des millions dans quelques secondes, ça veut dire que ces drogues leur font perdre des millions et des millions et des millions chaque seconde ou chaque minute. Ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'ils investissent et ils essaient d'arrêter ce fléau. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas pourquoi ? Parce que ici, ils n'ont pas expliqué comme il se doit et ils n'ont pas fait comprendre aux gens comme il se doit que c'était un mal pour leur corps, mais aussi pour leur cœur, pour leur vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Et seul un croyant musulman pourra comprendre cette explication comme il se doit et arrêter, et cet arrêt sera fondé sur des convictions solides. Comme l'ont fait les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Mais si tu n'as pas cet amour de l'au-delà, tu n'as pas l'amour d'Allah, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, wallahi al-adim, toutes ces explications pourront convaincre que quelques personnes. Mais nous les musulmans, c'est radical, walillahi alhamd. Parce qu'avant tout cela, on a la crainte d'Allah azza wa jal. Et le croyant se dit que ici, même si ça n'apporte pas un grand mal au corps, à partir du moment où Allah l'a interdit, je dois l'arrêter. Parce que ici, le châtiment qui nous attend dans l'au-delà n'a rien à voir avec le châtiment qu'on a ou qu'on peut ressentir ici-bas. Et moi, je veux me préserver du châtiment de l'au-delà. Donc il fait toutes les causes pour arrêter et il s'en écarte et il s'en éloigne. Et que ça soit des drogues ou de l'alcool, c'est interdit et ça a le même statut. Contrairement à des gens qui disent ça, il n'y a pas de verset clair dans le Coran et ceci et cela. Ça, c'est des gens qui sont encadrés par les hadiths qu'on vient de suivre, l'iyadu billah, et nous leur disons, quelque part, vous faites partie des signes de la fin des temps. Wallah, il faut leur dire ça. Quelque part, toi, quand tu parles, tu fais partie des signes de la fin des temps. Pourquoi? Mais pourquoi tu... Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y aura dans ma communauté des gens, istahilluna al-hira wal-harir, wal-khamra wal-ma'azif. Il y a des gens dans ma communauté qui vont rendre permis ces choses-là, et parmi ces choses-là, al-khamr. Regarde, tu fais partie de ces gens. Et peut-être là, il va avoir cette crainte-là. Il va avoir une peur qui va peut-être le pousser à raisonner. Raisonner comme il se doit avec le cœur, bi-idnillahi azza wa jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et le hadith est rapporté par At-Tabarani, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Il dit, man mata, wa huwa mudminu. مدمن خمر لقي الله تبارك وتعالى وهو كعابد وثن والعياذ بالله. Celui qui meurt, et ici en étant alcoolique, accro ici à l'alcool, aux boissons enivrantes, etc., il ressuscitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une personne qui adorait des statues, mushrik والعياذ بالله, comme dans le même état, vous imaginez. Et ça, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de choses qui font partie de shirk billah Azza wa Jal, dans le même verset, il a parlé de quoi? Al-Khamr. On voit encore une relation. Allah, il ne met pas des versets coraniques et des mots dans le Coran par hasard, pour décorer. Abadan, il y a une raison. Quand un mot est placé dans un endroit et plutôt qu'un autre endroit, c'est qu'il y a une raison. Regardez la relation ici, dans le hadith, et la relation dans le verset coranique. Al-shirk billah Azza wa Jal, la relation avec Al-Khamr. Pour montrer la gravité de Al-Khamr. Et ici, pareil dans le verset coranique, pareil dans le hadith. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un engagement. Avec une traduction approximative, il a pris un engagement. Et le hadith est rapporté par Muslim. Il a pris un engagement à l'égard de celui qui boit de l'alcool, de le faire boire, ici, d'une chose qui est appelée en arabe, Tinatul Khabal. Tinatul Khabal. Et les sahaba, ils ont interrogé le prophète. Ils ont dit, c'est quoi Tinatul Khabal? C'est quoi ce que tu viens de citer, ya Rasulallah? Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, Araku ahlin nar. Il a dit, c'est la sueur des gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Voilà ce que boiront les alcooliques. Les gens qui sont morts alors qu'ils buvaient de l'alcool, wal'iyadu billah. Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim, authentique. Le prophète, alayhi sallam, il a dit, ils boiront, et Allah, il a pris cet engagement. Il a pris un engagement. Donc ça doit nous faire encore plus peur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de citer quand il prend un engagement, mais pour montrer la gravité et l'importance de l'affaire. Il a pris un engagement à l'égard de ceux qui boivent de l'alcool, ici, qu'il leur fera boire en enfer, ici, la sueur des gens de l'enfer, wa l'iyadu billah. Ça, ayyuha al-ahibba, c'est simplement quelques textes qui nous rappellent que c'est clairement interdit. Donc ceux qui jouent avec la religion et qui ne cessent de dire ce n'est pas interdit clairement, retenez ces quelques preuves pour leur rappeler ces quelques preuves ici du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma, pour les raisonner, et retenez ici comme leçon de ce cours-là la méthodologie que tu dois emprunter quand tu essayes d'être la cause qu'une personne sorte de l'égarement vers la lumière. Je parle des personnes qui sont égarées très loin. C'est pas une personne qui, par exemple, est dans la religion, il fait déjà la prière, alhamdoulilah, ça fait des années, etc. Il fait un grand péché. Celui-là, tu peux être un peu plus dur avec lui. Il n'y a pas de mal. Il est prêt psychologiquement. Mais je parle de la personne qui est très loin. Il fait pas la prière. Il ne sait même pas c'est quoi shirk, c'est quoi sunna, c'est quoi. Et il boit de l'alcool, il fait la fornication. Donc ici, regarde comment Allah Azza wa Jal, ici, a utilisé cette prédication ou cette façon. Comment la façon qu'Allah Azza wa Jal, regarde la façon qu'Allah Azza wa Jal a utilisé pour leur faire accepter cette interdiction, et fait de même. Utilise des étapes tout en disant et en rappelant à la personne, c'est haram ce que tu fais. Voilà qu'il, celui-là, il ne pourra pas accepter clairement d'un coup d'arrêter alors qu'il est alcoolique, alors qu'on le sait très bien. Même s'il y a l'islam qui va l'aider, etc., il doit faire des causes. Et parmi ces causes, quelquefois, c'est souvent des cures. Pas de secret. C'est les cures de désintoxication pour les drogués, c'est des cures pour les alcooliques, et les alcooliques, quelquefois même des médecins, ils disent que c'est plus dur pour eux de s'en sortir qu'une personne qui est dans des drogues dures. C'est, il y a des causes. Donc tu peux pas lui dire, lui rapporter des versets coraniques, des hadiths, et du jour au lendemain, il va tout arrêter. Non, il y a un suivi. Et donc c'est très dur psychologiquement quand des gens sont très loin de la religion, utilisent cette méthodologie, cette douceur, et ici, cette sagesse pour les attirer. Fais-leur comprendre clairement qu'il y a des choses qui attirent dans ce péché dans lequel il est. Et c'est pour ça qu'il est tombé dedans. Mais le mal est plus grand, avec des exemples concrets, clairs. Quand il a compris, dis-lui, au moins fais un premier pas, essaye. Vas-y, au moins ici, sors de ton égarement lointain et commence à combattre. Khlas, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Azza wa Jalla dit, tu fais un combat, tu fais des efforts, Allah va te guider vers des voies de la vérité, vers le sentier de la vérité, vers le khair. Khlas, il a commencé le combat, et vas-y, apporte-lui les preuves et soutiens-le. C'est comme ça, ici, qu'on aide les gens. Amma, avec ces façons-là, si la personne, on dit et on répète, après que tu lui aies poussé, tu lui as recommandé de revenir vers la vérité, vers la, le chemin de la vérité, il ne veut pas, il s'entête, nous répétons aux gens. Personne a de solution miracle. Personne a de solution miracle. Il y a des gens, quelquefois, ils disent, oui, mais Mskine et Afoulane, regarde dans l'égarement où il est, vous, vous vous disiez, oh là, j'ai entendu ça, hein. Ils disent, vous, vous disiez bien dans la religion, vous êtes accroché à la prière, etc. Pourquoi vous le laissez tomber? Ah, subhanallah. Ça, c'est des gens qui ont regardé trop la télé. Trop des séries TV. Ils ont regardé trop des séries TV concernant des magiciens, des ceci, des... Ils sont dans un monde, Mskin. Nous sommes dans un monde concret. Nous sommes des musulmans. Nous croyons en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam. Nous croyons au verset coranique et à la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous croyons fermement que la personne, l'insan, a le libre arbitre. Et que nous, on ne peut pas faire les causes pour les gens. Que la personne, si elle veut s'en sortir, elle doit fournir des efforts. Donc si la personne, quand tu la raisonnes, ne veut pas fournir d'efforts, tu ne peux rien pour lui. Tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, na'am. Tu peux continuer à l'aider, mais ici, on ne doit pas t'en vouloir. Toi, tu fais les causes régulièrement et autres. Mais s'il ne fait pas d'efforts de lui-même, fawarabbil ka'ba de façon générale, comment voulez-vous qu'il soit guidé alors qu'Allah a dit « Walladhina jahadu fina » C'est cela de qui Allah azza wa jalla parle. Et de qui Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'ils seront guidés. Ceux qui font un combat, ceux qui font des efforts, et c'est pour ça que nous disons à toute personne qui est touchée par un mal, il n'y a pas le choix, vous devez fournir des efforts, combattre avec ad-du'a, avec la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en stimulant votre iman, en lisant des versets coraniques, en lisant ici des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et tout ceci fait partie des efforts que tu dois fournir, on n'a rien sans rien, ça il faut le comprendre comme il se doit. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ça, c'est un signe parmi les signes de la fin des temps. La semaine prochaine, on parlera بحول الله عز وجل de l'ornement des mosquées et le fait de s'en vanter. Ça, on va rentrer dans les détails بإذن الله عز وجل et on va rappeler que ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Qu'est-ce qu'on dit Sahaba? Et qu'est-ce qu'on dit As-salaf as-salih, les ancêtres pieux, sur le fait d'orner non seulement les mosquées, mais Al-Qur'an al-Karim, le Coran, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, bi-idnillah azza wa jal. Simplement, une petite modification. Pendant quelques semaines, incha'Allah ta'ala, les cours du dimanche sur les signes de la fin des temps ne seront plus le dimanche, mais seront le samedi entre le Maghrib et l'Isha. Donc les cours sur les signes de la fin des temps seront le samedi de le Maghrib al-Isha et ne seront plus le dimanche de le Maghrib al-Isha pendant une petite période, peut-être pendant un mois, bi-idnillah azza wa jal, car ça m'arrange. Et ensuite, bi-idnillah, on repartira le dimanche entre le Maghrib et l'Isha. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.